Ce qui reste, comédie, par Ernest Grenet-Dancourt. À André-Antoine, hommage reconnaissant. Ernest Grenet-Dancourt. Un petit salon bourgeois, au fond, porte à deux battants. Au milieu de la scène, une table recouverte d'un tapis. De chaque côté de cette table, une chaise. En scène, à gauche, un canapé. À droite, un fauteuil. Meubles divers. Sur un des meubles, une pipe, dans un porte-bouquet, et par ça et là, sur les 10 meubles, des cartes de visite et des lettres de part. Scène unique, lui, elle. Au lever du rideau, une jeune femme, vêtue d'habits de deuil et portant épinglé à son chapeau le long voile des veuves, entre en scène, suivie d'un homme jeune encore et de noir également habillé, et se laisse tomber avec accablement sur la chaise placée à gauche de la table. Lui. Du courage. Elle, je n'en ai plus. Il faut en avoir. Facile à dire, pleurant et détachant son châle. Quelle perte, mon ami, quelle perte! Irréparable. Un si bon mari. Si confiant, surtout. S'asseyant de l'autre côté de la table. Jamais nous ne retrouverons le pareil. Jamais, relevant son voile. On était si heureux tous les trois. Trop, nous l'étions trop. Ah, ceux qui disent que le bonheur n'est pas de ce monde ont raison. Il faut espérer qu'on le rencontre dans l'autre. Et que le pauvre homme est récompensé là-haut de tout le bien qu'il a fait ici-bas. Et il faut l'espérer. Si celui-là ne va pas tout droit au paradis, personne n'ira. Personne. Depuis combien de temps le trompions-nous? Mais depuis 5 ans. Déjà 5 ans? Comme le temps passe, hein? Effrayant. Un mardi, je crois. La première fois, pas. Ah ça, était-ce un mardi ou un mercredi? Un grand. Tout ce que je me rappelle, c'est que c'était le jour de sa fête et qu'à l'occasion, je lui ai offert... Une boîte de Londresse, je m'en souviens. Non, des brémasses, c'est moi qui les ai fumées. Quand je pense que jamais il ne s'est douté de rien. Heureusement. Oui, il vaut mieux pour lui qu'il ait toujours ignoré la vérité. Pour nous aussi. Pour lui, mon ami, pour lui surtout. Au moins, comme ça, on n'a pas de remords. On n'en a pas. Pourquoi en aurait-on d'ailleurs? Pourquoi, oui. En somme, je n'ai rien à me reprocher. Sans aucun doute. Dieu m'est témoin que j'ai tout fait pour lui éviter ce qui lui est arrivé. Certes, car j'ai mes malades fait soigner avec plus de dévouement. Il n'est pas question de cela, mon ami. Je fais allusion. Compris. Qui donc oserait aujourd'hui me contester le droit de marcher la tête haute? Celui-là serait au moins malvenu. J'ai trompé mon mari, c'est vrai, mais fût-ce pour mon plaisir. Répondant à un mouvement de son interlocuteur. Que mes paroles ici soient exactement interprétées comme elles doivent l'être. De ce premier pas, fait hors du droit chemin, une femme, loin de regretter de l'avoir fait, ce premier pas, se montre au contraire disposée à poursuivre son voyage d'exploration. S'ensuit-il nécessairement qu'elle se soit d'un cœur léger mise en route? Non, c'est avec une résignation toujours et de propos délibérés rarement qu'une honnête femme comme moi s'engage dans les sentiers battus de l'adultère. Oui, avec résignation, je maintiens le mot, aux forces invincibles qui nous entraînent invinciblement vers ces sentiers éternellement foulés, pouvons-nous éternellement résister? Est-il possible qu'éternellement nous refusions d'obéir à notre tempérament, à la nature, aux lois? Est-ce notre faute à nous autres, malheureuses femmes, si l'homme auquel nous confions nos destinées cesse de nous plaire dès que nous l'avons épousé? Si notre instinct, cet instinct qui nous est propre, particulier, et de tromper quand même et toujours. Si les lois, enfin, les imprévoyantes autant qu'injustes lois, n'ont imprudemment commis au soin d'étancher l'ardente soif d'aimer qui nous brûle qu'un seul échanson. Des criminels, celles d'entre nous qui manquent à la fois jurer, allons donc, des victimes, messieurs, les victimes d'une inéluctable fatalité. Évidemment. Avant de succomber, n'ai-je pas lutté? N'ai-je pas résisté? Si quelqu'un peut en témoigner, c'est moi. Désespérément cramponné aux aspérités qui bordaient l'abîme, j'ai attendu, attendu patiemment et d'espoir, toujours bercé, attendu des heures, des jours, des semaines, des mois. Plus d'un an. Attente vaine, rien, ou si peu de choses. Un cœur d'or, le pauvre homme. mais qu'il ne fallait pas songer à mettre en action, pas plus de tempérament que cette table. Et encore ? Le sentiment, la passion, l'amour, des mots pour lui, des mots dont le sens lui échappait totalement. Beaucoup de bonne volonté, cependant, et même de la persévérance. Mais, dame, le résultat... Négatif. Presque toujours. N'en eût-on pas mis l'autre, qu'à elle seule ? Une telle excuse serait une entière et complète justification. Ce fut si bien mon avis que, me résolvant soudain à suivre la règle générale, j'ai, comme mes pareils, obéi à cette sorte de convention tacite. Et réciproque ? Réciproque, elle ne le fut pas pour lui. Était-il vraiment si fidèle que cela ? Un caniche. Mais oui, un caniche. Si mon mari avait été capable de me tromper, s'il avait eu tout ce qu'il faut pour cela, s'était trouvé dans les conditions requises en semblables circonstances, j'en eusse profité, partiellement tout au moins, et ne me fusse point aussi complètement trouvé dans l'impérieuse nécessité de le tromper à mon tour. En tout cas, aujourd'hui, je me ferai des reproches, tandis qu'au contraire, mon droit demeure entier d'affirmer que ma légitime infidélité ne fut que la conséquence logique de sa décevante fidélité. L'adultère de la femme est l'œuvre du mari. 10 fois sur 9, parce que l'homme dont je portais le nom ne savait pas, ne voulait pas, ou ne pouvait pas jouir de tous les biens que Dieu donne ou permet, devais-je suivre son exemple ? Devais-je toute ma vie résister aux élans de mon cœur, au transport de mon âme, aux ardeurs de mes jeunes années, et trahir enfin les intérêts supérieurs et sacrés de la nature ? Non, non, 1000 fois non. D'ailleurs, en échange de la promesse d'obéissance et de fidélité que je lui avais faite devant l'autel et la loi, il s'était engagé, lui, à subvenir à tous mes besoins. Oh, je le répète, sous ce rapport-là... Pas même le nécessaire. La misère, mon ami, la misère! Enfin, que Dieu lui pardonne et ait pitié de son âme. On ne lui en veut pas, après tout. Aujourd'hui, surtout, convenable, la cérémonie, pas? Très chic. Pas de luxe. Non, mais le confortable. J'aurais voulu que les chevaux fussent caparaçonnés. Ils auraient eu bien chaud. Et puis, on me demandait tout de suite le double. Le prix de l'attelage? Presque. C'est à dégoûter de se faire enterrer. Caparaçonnés ou non, d'ailleurs, les pauvres bêtes ne me l'auraient pas ramené. Probable. Sais-tu que le noir te sied à ravir? Mon ami, vous me tutoyez? Oui. Ce que je permettais hier, je ne puis le tolérer aujourd'hui. Parce que? Parce qu'il n'est plus là, mon ami. Parce qu'il n'est plus là. Raison de plus, nous sommes libres. Libres, nous l'étions. Nous ne le sommes plus. Nous ne le sommes plus. Vous ne comprenez pas ? Non, je l'avoue. C'est cependant bien facile à comprendre. Mariée, je ne devais compte de mes actes qu'à mon mari. Veuve, j'en dois compte à l'opinion publique. Au monde ? Eh oui, au monde ! Au monde qui sait peut-être depuis longtemps à quoi s'en tenir sur la nature de nos relations, mais qui, toutefois, n'avait pas le droit d'élever la voix, alors que le principal intéressé gardait de Conrad le silence prudent. Au monde, dont la malignité désormais va s'attacher à nos pas, qui nous épiera, équivoquera sur nos moindres gestes, surprendra nos plus furtifs regards, travestira le plus chaste de nos sourires, prêtera à nos plus insignifiants propos un sens qu'ils n'auront pas, nous calomniera enfin, nous accusera et nous condamnera. Déjouons ces calculs. Le moyen. Écoute, écoutez. Je sais, au bout du monde, une terre ignorée. Voyons, mon ami, je vous parle sérieusement, moi. Moi aussi. Non, très gentil en musique ou en vers, ce que vous me dites là, mais en prose. En prose, alors que je vous répète que vous pouvez à l'avenir disposer de vous comme vous l'entendrez. Une femme ne peut librement disposer d'elle que lorsqu'elle ne s'appartient pas. Mariée, tout lui est permis. Fille ou veuve, tout lui est interdit. Conclusion, nous devons cesser de nous voir et renoncer l'un et l'autre à notre amour. À tout ce qui, depuis 5 ans, fut notre joie, notre ivresse, notre vie. Fini tout cela, n'est-ce pas ? Fini, bien fini. Et pourquoi ? Parce qu'il a plu à votre imbécile de mari. Mon ami ! Un joli tour, en vérité, qu'il vient de nous jouer là, l'idiot. Vous oubliez le respect que l'on doit à ceux qui ne sont plus. En mourant, il a brisé notre existence. Ce n'est pas sa faute. Pas sa faute. Un homme qui ne prenait aucune précaution, toujours dans les courants d'air, la guerre pour lui faire endosser un pardessus et jamais de foulard, pas sa faute. La mienne, peut-être. Allez, si quelqu'un à cette heure s'inquiète peu de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est lui. Il le disait, d'ailleurs. Après moi, la fin du monde. Égoïste, bah. Du calme, et puisque nous connaissons le mal, cherchons ensemble le remède qu'il convient de lui appliquer. Je ne veux pas renoncer à toi, à vous. Merci. Dans l'avenir, ainsi que dans le passé, il faut que toujours nous soyons l'un à l'autre. Continuez. Rien ne doit, ne peut nous séparer. Non. Eh bien? Eh bien? Le seul moyen d'atteindre le but rêvé... C'est? De vous remarier. Déjà? Je ne vous propose pas de vous épouser. Je croirais que vous ne m'aimez plus. Notre mutuelle tendresse est sincère et profonde. Ne l'exposons pas au danger que toujours le mariage fait courir à l'amour. Bien raisonné. Je sais bien, parbleu, que vous ne me tromperiez pas. Pourquoi ? Moi aussi. Si je vous épousais aujourd'hui, puis-je dire quel serait demain mon état d'âme ? En tout cas, moi, je ne suis pas aveuglé. Et cependant, vous n'y verriez que du feu ? Pardon ? Du feu, mon ami, du feu ! Mais revenons à ce qui nous intéresse. C'est juste. Nous nous écartons de la question. Vous résolvez-vous à suivre le conseil que je viens de vous donner ? Mon deuil est bien récent. Oh, la vie ! Pas gai, non. Mais nous n'y pouvons rien. Me remarier. Avec qui, d'abord ? Mais avec... Duvernoy ? Trop jeune, Duvernoy. Mélidon ! Un caractère impossible, Mélidon. Si nous l'épousions, il nous rendrait malheureux tous les deux. Voyons, que dirais-tu, que diriez-vous du père Maubourg ? Maubourg ? Il vous adore. Et ne perd aucune occasion de célébrer vos qualités et vos vertus. Il boite. En marchant, mais assis. Décoré, je crois. Les palmes, oui. Tout à fait le mari qu'il nous faut, Maubourg, croyez-moi. Excellente affaire sous tous les rapports et de tout repos. Son mariage étant mon œuvre, pas de soupçon à redouter de sa part. Notre tranquillité assurée jusqu'à la fin de ses jours. Vaudra-t-il celui que je viens de perdre ? 100 fois. Vous-même affirmiez tout à l'heure que jamais nous ne retrouverions le pareil. Quand on revient de l'enterrement, on exagère toujours un peu les qualités du défunt. Oh, sa pipe, mon ami, sa pauvre pipe ! La dernière qu'il est culottée. Il est culotté bien. Ah, pour ça, à lui le pompon. Vous la voulez ? Je ne fume que le cigare, mais ça ne fait rien. Prenant la pipe, il la met dans sa poche. Un souvenir de lui. Que je garderai précieusement. Voyons, cher ami, que décidez-vous ? Comme vous me pressez... Time is money. Juste désiré, pendant quelque temps du moins, qu'on me laissât tout à ma douleur. Maubourg fera tout ce que vous voudrez. Alors prévenez-le que je ne l'autoriserai à commencer sa cour que dans 3 mois. Soit. Mais jusque-là, où nous rencontrerons-nous ? Ici, impossible. Chez moi ? On pourrait m'y voir entrer, et je tiens ma réputation. Au restaurant, au théâtre ? Dans ce costume ? Chez des amis communs, veux-tu ? Voulez-vous ? Lesquels ? Mais chez les Maillard, par exemple. Joli choix. Madame Maillard, une langue de vipère. Où alors ? J'ai trouvé. Où alors ? Sur sa tombe, mon ami. Sur sa tombe ! Au cimetière. Là seulement, personne ne pourra s'étonner ou se scandaliser de nous voir ensemble. Aussi, enfin. Quand ? Le jeudi et le dimanche. Alors, jeudi prochain ? Entendu. Faudra-t-il apporter une couronne ? Si tu veux, si vous voulez. À jeudi. À jeudi. Décidément, ce ne sont pas ceux qui s'en vont qui sont le plus à plaindre. Non, ce sont ceux qui restent. Ici se termine Ce qui reste par Ernest Grenet d'Encourt, enregistré par Daniel Lutringer et Christiane Johan.